Le meneur de loups. Premier chapitre. Le grand louvetier de Monseigneur. C'était un rude veneur que le seigneur Jean, baron de Vaise. Quand vous suivrez la belle vallée qui va du Berval à Lompré, vous verrez à votre gauche une vieille tour qui vous paraîtra d'autant plus haute et d'autant plus formidable qu'elle est isolée. C'est aujourd'hui la propriété d'un vieil ami de celui qui raconte cette histoire, et tout le monde est tellement habitué à son aspect, si terrible qu'il soit, que le premier paysan venu va chercher, l'été, l'ombre de ses hautes murailles, sans plus de crainte que les martinets aux grandes ailes noires et aux cris aigus, et les hirondelles aux doux gazouillements qui, chaque année, viennent y suspendre leur nid. Mais à l'époque dont nous parlons, c'est-à-dire vers l'an 1780, la demeure seigneuriale de Vaise ne présentait pas le même aspect et n'offrait pas, il faut le dire, la même sécurité. C'était une bâtisse du XIIe ou du XIIIe siècle, sombre et sévère. Extérieurement, du moins, la succession des années n'avait rien ôté de sa formidable physionomie. Il est vrai que la sentinelle au pas mesuré et au casque resplendissant ne se promenait plus sur ses remparts. Il est vrai que l'archer au corps aigu ne veillait plus dans sa tour. Il est vrai que deux hommes d'armes ne se tenait plus à la poterne, prêt, au moindre signal d'alarme, à baisser la herse et à lever le pont. Mais la solitude même de l'édifice, au centre duquel la vie semblait s'être retirée, donnait au sombre géant de granit, la nuit surtout, la terrifiante majesté des choses muettes et immobiles. Ce n'était cependant pas un méchant homme que le châtelain de cette vieille forteresse, et, comme disaient les gens qui, le connaissant plus à fond que le vulgaire, lui rendaient mieux justice, il faisait plus de bruit que de besogne et plus de peur que de mal aux chrétiens, bien entendu. Car pour les animaux des forêts, c'était un ennemi déclaré, implacable, mortel. Il était grand louvetier de Monseigneur Louis-Philippe d'Orléans, quatrième du nom, charge qui lui permettait de satisfaire la passion désordonnée qu'il avait pour la chasse. Sur toute chose, quoique ce ne fût point facile, il était encore possible de faire entendre raison au baron Jean. Mais sur la chasse, quand le digne seigneur s'était chaussé une idée dans la tête, il fallait qu'il en eût le cœur net et qu'il arrivât à son but. Il avait épousé, disait-on, une fille naturelle du prince, ce qui lui donnait avec son titre de grand louvetier un pouvoir presque absolu dans les domaines de son illustre beau-père. Pouvoir que personne n'osait lui contester, surtout depuis que Monseigneur le duc d'Orléans s'étant, en 1773, remarié avec Madame de Montesson, avait à peu près abandonné son château de Villers-Cotterêts pour sa délicieuse maison de Bagnolet, où il recevait les beaux esprits du temps et jouait la comédie. Aussi était-il bien rare que, chaque jour que le bon Dieu faisait, soit que le soleil réjouit la terre, soit que la pluie l'attristât, soit que l'hiver couvrit les champs de son blanc linceul, soit que le printemps déroulât sur les prés son vert tapis, aussi était-il bien rare de ne pas voir, entre 8 et 9 heures du matin, s'ouvrir à deux battants la grande porte du château et sortir par cette porte d'abord le baron Jean, puis son premier piqueur Marcotte, puis les autres piqueurs, puis les chiens couplés et menés en laisse par les valets de chiens et surveillés par maître Engoulevent, aspirant piqueur, lequel, pareil au bourreau allemand qui marche seul après la noblesse et avant la bourgeoisie, comme étant le dernier des nobles et le premier des bourgeois, marchait immédiatement après les piqueurs et avant les valets de chiens, comme étant le premier des valets de chiens et le dernier des piqueurs. Tout cela défilait en grand équipage, chevaux anglais, chiens français, 12 chevaux, 40 chiens. Commençons par dire qu'avec ses 12 chevaux et ses 40 chiens, le baron Jean chassait toute bête. Mais sans doute pour faire honneur à son titre, c'était principalement le loup qu'il chassait. Ce qui prouvera au vrai veneur combien il était sûr du nez et du fond de ses chiens, c'est qu'après le loup, il donnait rang au sanglier. Après le sanglier venait le cerf, puis le daim, puis le chevreuil. Enfin, lorsque les valets de limier avaient fait buisson creux, ils découplaient à la bille baude et attaquaient le premier lièvre venu, car ainsi que nous l'avons dit, il chassait tous les jours le digne seigneur, et il se fut plutôt passé de manger et même de boire toute une journée, quoiqu'il eût souvent soif, que de rester 24 heures sans voir courir ses chiens. Mais comme on sait, si vite que soient les chevaux, si fins que soient les chiens, la chasse a ses bons et ses mauvais quarts d'heure. Un jour, Marcotte se présenta tout penaud au rendez-vous où l'attendait le baron Jean. « Eh bien, Marcotte, demanda le baron Jean en fronçant le sourcil, qu'y a-t-il encore? Je vois à ton air que la chasse ira mal aujourd'hui. » Marcotte secoua la tête. « Voyons, parle !» fit le baron Jean avec un geste plein d'impatience. « Eh bien, il y a, monseigneur, que j'ai eu connaissance du loup noir. » « Ah ! » fit le baron Jean dont les yeux étincelèrent. Et en effet, c'était la 5e ou 6e fois que le digne seigneur lançait l'animal en question et que son pelage inaccoutumé rendait si facile à reconnaître sans jamais être arrivé à le joindre à portée de la carabine ou à le forcer. « Oui, reprit Marcotte, mais la damnée bête a si bien employé sa nuit, tellement croisé et rabattu ses voies, qu'après avoir tenu la moitié de la forêt, je me suis retrouvé à ma première brisée. Alors, Marcotte, tu crois qu'il n'y a aucune chance de rapprocher l'animal? Je ne crois pas. Par tous les diables, s'écria le seigneur Jean, qui était le plus grand jureur qui eût paru sur la terre depuis Nemrod. Je me sens cependant malade aujourd'hui, et j'ai besoin d'un alali, quel qu'il soit, pour rafraîchir mes humeurs noires. « Voyons, Marcotte, que chasserons-nous à la place de ce damné loup noir ?»« Dame, tout occupée de lui, répondit Marcotte, je n'ai point détourné d'autres bêtes. Monseigneur veut-il découpler à la bille baude et chasser le premier animal venu ?» Le baron Jean allait répondre à Marcotte de faire comme il l'entendrait, lorsqu'il vit le petit Engoulevent qui s'approchait, le chapeau à la main. « Attends, dit-il, voici maître Engoulevent qui a, ce me semble, un conseil à nous donner. »« Je n'ai aucun conseil à donner à un noble seigneur comme vous, répondit Engoulevent en abritant sous une humble contenance sa physionomie narquoise et rusée. Mais mon devoir est de dire que j'ai connaissance d'un beau daim dans les environs. Voyons ton daim, Engoulevent, répondit le grand louvetier, et si tu ne t'es pas trompé, il y aura un écu neuf pour toi. Où est ton daim? Demanda Marcotte. Mais prends garde à ta peau si tu nous fais découpler inutilement. Donnez-moi Matador et Jupiter, et puis nous verrons. » Matador et Jupiter étaient les deux meilleurs chiens d'attaque du seigneur de Vèze. Aussi, Engoulevent n'avait-il pas fait 100 pas avec eux dans le fourré qu'au frétillement de leur queue, à leurs abois répétés, il jugea qu'ils empaumaient la voie. Et, en effet, presque immédiatement, le daim, qui était un magnifique dicor, se donna au chien. Toute la meute découplée rallia les deux vétérans. Marcotte cria gare, sonna le lancer, et la chasse commença, à la grande satisfaction du seigneur de Vèze qui, tout en regrettant son loup noir, acceptait cependant un daim dicor comme pis-aller. Depuis 2 heures, la chasse durait et le daim tenait bon. Il avait d'abord emmené la chasse du petit bois d'Aramon à la route du pendu, puis de la route du pendu à la queue d'Oigny, et tout cela haut la main, car ce n'était pas une de ces bêtes du plat pays qui se font tirer la queue par de méchants bassets. Cependant, vers les fonds de Bourgfontaine, l'animal se sentit malmené, car il renonça au grand parti qu'il avait pris jusque-là pour se forlonger, et il commença de ruser. D'abord, il descendit dans le ruisseau, qui va de l'étang de Baisemont à l'étang de Bourg, le remonta pendant un demi-quart de lieue environ, ayant de l'eau jusqu'au jarret, fit un saut à droite, rentra dans le lit du ruisseau, fit un saut à gauche, et dès lors s'éloigna par des bonds aussi vigoureux que ce qui lui restait de force lui permettait de faire. Mais les chiens du seigneur Jean n'étaient pas chiens à s'embarrasser de si peu. De même, en chiens intelligents et de bonne race qu'ils étaient, ils se divisèrent la tâche. Les uns remontèrent le ruisseau, les autres le descendirent. Ceux-ci quêtèrent à droite, ceux-là quêtèrent à gauche, si bien qu'ils finirent par démêler la ruse de l'animal, retrouvèrent la voie et, au premier cri que poussa l'un d'eux, se rassemblèrent autour de celui-là et reprirent leur poursuite, aussi chauds et aussi ardents que si le daim eût été à 20 pas devant eux. Toujours galopant, toujours sonnant, toujours aboyant, le baron Jean, les piqueurs et la meute arrivèrent aux étangs de Saint-Antoine, à quelques centaines de pas des bordures d'Oigny. Là, entre les bordures d'Oigny et la haie des Oserais, s'élevait la hutte de Thibault le sabotier. Disons un peu ce que c'était que Thibault le sabotier, c'est-à-dire le véritable héros de notre histoire. Peut-être me demandera-t-on comment, moi qui ai assigné des rois à comparaître sur la scène, comment moi qui ai forcé princes, ducs et barons à jouer des rôles secondaires dans mes romans, je prends un simple sabotier pour héros de cette histoire. D'abord, je répondrai qu'il y a, dans mon cher pays de Villers-Cotterêts, plus de sabotiers que de barons, de ducs et de princes, et que, du moment où mon intention était de prendre pour théâtre des événements que je vais raconter la forêt qui l'entoure, il fallait, sous peine de faire des personnages de fantaisie, comme les Incas de M. Marmontel ou les abancérages de M. de Florian, que je prisse un des habitants réels de cette forêt. D'ailleurs, on ne prend pas un sujet, c'est le sujet qui vous prend, et qu'il soit bon ou mauvais, je suis pris par ce sujet-là. Je vais donc essayer de faire le portrait de Thibault le sabotier, tout simple sabotier qu'il est, aussi exactement qu'un peintre fait le portrait qu'un prince régnant veut envoyer à sa fiancée. Thibault était un homme de 25 à 27 ans, grand, bien fait, solide de corps, mais naturellement triste de cœur et d'esprit. Cette tristesse lui venait d'un petit grain d'envie qu'il éprouvait malgré lui, à son insu peut-être, contre le prochain mieux favorisé que lui du côté de la fortune. Son père avait fait une faute, grave en tout temps, mais plus grave à cette époque d'absolutisme où personne ne pouvait s'élever au-dessus de son état que dans notre temps où, avec de la capacité, on peut parvenir à tout. Son père lui avait fait donner une éducation au-dessus de sa position. Thibaut avait été à l'école de l'abbé Fortier, magistère de Villers-Cotterêts. Il savait lire, écrire, compter. Il avait appris même un peu de latin, ce qui le rendait très fier. Thibaut avait employé beaucoup de temps à lire. Il avait lu surtout des livres à la mode à la fin du dernier siècle. Chimiste malhabile, il n'avait pas su séparer le bon du mauvais, ou plutôt, il en avait séparé le mauvais, et c'était particulièrement le mauvais qu'il avait avalé à large dose, laissant le bon se précipiter au fond du verre. Sans doute, à l'âge de 20 ans, Thibaut avait rêvé d'autre chose que d'être sabotier. Un instant, par exemple, il jeta les yeux sur l'état militaire. Mais les camarades qui avaient porté la double livrée du roi et de la France, entrés au service comme soldats, étaient sortis du service comme soldats, n'ayant point gagné, pendant 5 ou 6 années d'esclavage, le plus petit grade, pas même celui de caporal. Thibaut avait songé aussi à se faire marin, mais la carrière de la marine était bien autrement fermée encore aux plébéiens que celle de l'armée. Au bout de 15 ou 20 ans de dangers, de tempêtes, de combats, il pouvait arriver à être contremaître, voilà tout, et encore. Or, ce n'était pas la veste courte et le pantalon de toile à voile que Thibaut ambitionnait de porter. C'était l'habit bleu de roi avec le gilet rouge et l'épaulette d'or en patte de chat. Mais il n'y avait pas d'exemple que le fils d'un sabotier fût jamais devenu capitaine de frégate, même lieutenant, même enseigne. Il fallait donc renoncer à être marin. Thibaut aurait assez aimé l'état de notaire. Il songea un instant à entrer chez maître Niquet, tabellion royal, comme saute-ruisseau, et à gagner ses grades à la force de ses jarrets et à la pointe de sa plume. Mais arrivé au grade de maître clerc à 100 écus par an, où prendrait-il les 30 000 francs nécessaires pour l'achat de la plus petite étude de village? Il n'y avait donc pas plus moyen de devenir tabellion que de se faire officier de terre ou de mer. Sur ces entrefaites, le père Thibaut mourut. Le père Thibaut avait peu d'argent comptant, à peu près ce qu'il en fallait pour l'enterrer. On l'enterra donc, et, une fois enterré, il resta à Thibaut 3 ou 4 pistoles. Thibaut savait très bien son état. C'était même un fin sabotier. Mais il n'avait pas de goût pour manier la tarrière et le paroir. Il en résulta que, par un dernier sentiment de prudence, il déposa chez un ami les outils de son père, vendit les meubles depuis le premier jusqu'au dernier, réalisa une somme de 540 livres, et résolut de faire ce que l'on appelait alors le Tour de France. Thibaut fut 3 ans en voyage. Il n'avait point fait fortune dans sa tournée, mais il avait appris des choses qu'il ignorait et acquis des talents qu'il n'avait point. Il avait appris que, s'il est convenable de tenir une parole commerciale engagée vis-à-vis d'un homme, il est complètement inutile de tenir un serment d'amour fait à une femme. Voilà ce qu'il avait gagné au moral. Quant au physique, il dansait la gigue à ravir, jouait du bâton à deux bouts de façon à se défendre contre quatre hommes, et maniait les pieux comme le meilleur valet de vénerie. Tout cela n'avait pas peu contribué à augmenter l'orgueil naturel de Thibaut, et en se voyant plus beau, plus fort, plus adroit que beaucoup de nobles, il demandait à la Providence « Pourquoi ne suis-je pas né noble, et pourquoi tel noble n'est-il pas né vilain ?» Mais, comme aux apostrophes de Thibaut, la Providence se gardait bien de répondre. Comme Thibaut, en dansant, en jouant du bâton à deux bouts et en lançant les pieux, fatiguait son corps et ne le restaurait pas, Thibaut songea à reprendre son ancien état, si humble qu'il fût, se disant à part lui que, s'il avait nourri le père, il nourrirait bien aussi le fils. Thibaut alla donc chercher ses outils où il les avait déposés. Puis, ses outils à la main, il alla demander à l'intendant des biens de Monseigneur Louis-Philippe d'Orléans la permission de se bâtir une cabane dans la forêt pour y exercer son état. Ce que l'intendant lui accorda volontiers, car il savait par expérience que monsieur le duc d'Orléans était un cœur très miséricordieux, donnant jusqu'à 240 000 francs par an aux malheureux. Et il pensa que, donnant une pareille somme, il prêterait bien 30 ou 40 pieds de terrain à un brave ouvrier qui avait envie de travailler. Thibaut, libre d'établir son domicile à l'endroit de la forêt qui lui serait le plus agréable, choisit le carrefour des Osières, situé au plus bel endroit de la forêt, à un quart de lieue d'Oigny et à 3/4 de lieue de Villers-Cotterêts. Le sabotier bâtit donc sa saboterie, moitié avec les vieilles planches que lui donna M. Parisi, lequel avait une vente dans le voisinage, moitié avec les branches que l'intendant lui laissa couper dans la forêt. Puis, quand la cabane fut bâtie, se composant d'une chambre à coucher bien close où il pouvait travailler l'hiver et d'un appentis tout grand ouvert où il pouvait travailler l'été, il s'occupa à se faire un lit. Ce lit, ce fut une jonchée de fougères qui d'abord en tint lieu. Puis, quand il eut fait une centaine de paires de sabots et qu'il les eut vendues au père Bedeau, marchand de toutes choses à Villers-Cotterêts, de ce premier argent, il donna des arrhes sur un matelas qu'on lui permit de payer en 3 mois. Le bois de lit ne fut pas difficile à faire. Thibaut n'était pas beaucoup sabotier sans être un peu menuisier. Il se fit un bois de lit dont il tressa le fond sanglé avec des oserets, posa son matelas dessus et se trouva avoir un coucher. Puis, peu à peu et à leur tour, vinrent les draps et les couvertures. Puis le réchaud pour faire le feu, les casseroles de terre pour faire la cuisine sur le réchaud, puis la vaisselle de faïence ou la manger. Au bout de l'année, le mobilier de Thibaut s'augmenta d'une belle huche en chêne et d'une belle armoire en noyer que, comme son bois de lit, il fit lui-même. Et au milieu de tout cela, la besogne du métier allait, car Thibaut n'avait pas son pareil pour trouver une paire de souliers de bois dans un morceau de faillard, et pour tailler des cuillères, des salières, de petites sébiles de bois dans les rognures du premier travail. Thibaut était donc installé dans sa saboterie depuis 3 ans, c'est-à-dire depuis sa revenue du Tour de France, et depuis cette revenue, on n'avait pu lui reprocher qu'une chose, que nous lui avons déjà reproché. C'était d'être un peu plus envieux du bien de son prochain qu'il ne convenait pour le salut de son âme. Mais c'était encore chez lui un sentiment si inoffensif qu'il n'appartenait qu'à son confesseur de lui faire honte d'un crime qui n'existait encore dans son âme qu'à l'état de péché.